Effectivement, pour les gens qui ont des problèmes d'endormissement, toujours intéressant d'avoir quelques petites techniques pour aller vers le lâcher prise. Alors, déjà un premier conseil, si vous n'arrivez pas à vous endormir, c'est toujours bon d'arrêter de vouloir dormir, de penser à vouloir dormir. Voilà. Parce que plus je vais penser à vouloir dormir, et plus cela va manifester une contraction dans mon esprit qui fait que ça va forcément me créer de l'agitation. Donc déjà, j'essaie de... Vous savez, on vous a toujours dit, c'est toujours bon d'imaginer des moutons qui sautent des haies, de compter des moutons. Effectivement, ça peut créer un peu de confusion et ça peut vous aider à lâcher prise. Alors ça, c'est déjà un premier point. Ensuite, il y a aussi la façon dont vous allez rentrer dans votre sommeil, donc l'organisation de cette fin de journée, de cette fin de cycle, qui fait que il est bon de mettre vraiment l'esprit au repos avant de s'endormir, pour ceux, encore une fois, qui ont des difficultés. L'agitation est perturbatrice. Les pensées sont perturbatrices. Et donc, si vous ne faites pas ce qu'il faut avant de vous mettre au lit, ça va être difficile. Donc, il est vrai que je vous invite aussi à revisiter votre organisation avant de dormir. Peut-être prendre une douche, faire un peu de relaxation, ne pas mettre d'écran. Ça, c'est toujours bien. De couper tout ce qui est Wi-Fi, ondes. Et surtout de ne pas manger trop tard non plus, parce que la digestion, lorsque vous mangez tard, donc après 19h ou 20h, mais grand maximum, hein, vous endormez sur la digestion, et c'est toujours délicat, pour peu que votre alimentation soit un peu sucrée ou un peu lourde, donc c'est toujours délicat. Donc il est vrai que l'alimentation a un rôle essentiel dans cet endormissement. Alors imaginez l'alimentation plus le stress de la journée, tout ça crée beaucoup d'agitation, le corps lui il n'est pas apte à lâcher tout de suite. Hein. Le sommeil c'est vraiment un engrais qui est vraiment nécessaire pour le bien-être. Un mauvais sommeil vous amènera dans des afflictions mentales et dans des perturbations. Donc cela va créer beaucoup de souffrance. Donc, une bonne alimentation, un bon sommeil. Revisitez votre organisation, revisitez votre alimentation, remontez dans l'organisation de votre fin de journée pour justement comprendre, changer des points qui peuvent peut-être vous aider à améliorer le sommeil. Faites aussi peut-être un peu plus d'exercice si vous n'en faites pas. Allez marcher, allez nager. Toutes ces actions vont vous permettre justement d'être plus en connexion avec vous-même et plus en paix avec vous-même. Et il y a ce petit outil aussi qui est intéressant, qui est l'auto-hypnose. Alors, le terme auto-hypnose, il fait très savant. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. C'est juste que je vais communiquer avec mon inconscient. Voilà. Donc, puisque mon esprit conscient n'est pas capable d'être raisonné, alors je vais communiquer avec mon inconscient. Donc une fois que votre organisation est faite, une fois que vous êtes bien installé sur le dos, dans votre lit, hein, vous allez commencer à vous connecter à votre respiration. Tout simplement, un peu comme cet exercice de cohérence cardiaque, hein, qui est très à la mode, où vous inspirez, vous expirez, vous inspirez, vous expirez. Et vous vous connectez à ce flot d'inspire et d'expire. Donc déjà, là, quand vous portez votre attention sur cet inspire et cet expire, un certain calme va émaner de cela, une agitation, l'agitation va diminuer, et déjà ça va vous faire beaucoup de bien, ça va vous apaiser. Et une fois que vous êtes les yeux fermés dans ce flot, dans ce va-et-vient d'inspire et d'expire, vous allez vous adresser à votre inconscient. Donc, vous allez mentalement, hein, silencieusement, demander, je demande à mon inconscient, voilà, de favoriser mon endormissement, une nuit de sommeil. Et là, vous allez parler, vous allez communiquer avec lui. pour cette nuit, pour les nuits à venir, hein, et les mois à venir. Et vous allez communiquer avec le plus grand calme possible à votre inconscient. Que vous souhaitez juste, voilà, dormir, être paisible et vous réveiller sereinement. Cette communication ne peut se faire qu'à partir du calme, pas à partir de l'agitation du mental. Donc il est bon avant de faire cette petite sophrologie, cette petite relaxation, hein, pour pouvoir justement ouvrir la porte à l'inconscient et lui parler, communiquer, lui émettre des souhaits. Alors les souhaits vous appartiennent, hein, bien entendu, mais vous pouvez aussi émettre des souhaits sur tout un tas de résolutions, pas que sur le sommeil, hein, de votre vie personnelle. Lorsque vous avez émis vos souhaits, hein, vous n'oubliez pas de remercier l'inconscient, de remercier l'inconscient d'œuvrer pour vous. Et parce qu'il va œuvrer pour vous, voilà, pour les jours à venir, vous allez pouvoir tranquillement vous poser dans votre lit et vous organiser et réorganiser vos journées. Voilà, donc ça c'est vraiment l'auto-hypnose, ça se fait très facilement, il n'y a rien de très particulier, de vraiment très difficile à mettre en place, c'est juste une volonté, un souhait de vous organiser et de mettre en place ces actions-là tous les soirs. Alors bien sûr, si vous le faites qu'une seule fois, ça va peut-être pas fonctionner tout de suite, je vous invite à le faire pendant quelques jours, hein, tous les soirs. Voilà, vous dites, voilà, pendant un mois, je vais faire ça tous les soirs. Et vous allez voir que ça va se mettre en place. Mais c'est toujours important d'observer votre organisation, de lâcher les croyances limitantes en disant, ah non, moi, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps d'aller marcher, j'ai pas le temps de bien me faire à manger. Non, non, ça, ce sont des croyances limitantes. Donc, faites des petites actions, comme le petit colibri. Et des petites actions qui vont faire que votre organisation, elle va changer. Vous allez orienter votre destination vers une destination bien-être, comment être bien, mais pas être bien une fois par semaine, le samedi ou le dimanche, c'est être bien tous les jours de la semaine et tous les jours de ma vie. Et vous allez voir que la pensée positive va engendrer de la pensée positive, que l'action positive va engendrer de l'action positive, et petit à petit, vous allez remodeler comme ça votre savoir-faire du bien-être et votre qualité de vie. Elle ne dépend que de vous. Vous êtes les seuls à pouvoir interagir sur vous-même. Hein? Donc bien sûr, avec des petits tuyaux, avec des aides, c'est toujours important, et ça va se faire. Hein? Donc l'auto-hypnose, hein, je me mets en mode relaxation dans mon lit, une fois que la douche, tout est fait, tout est OK. Et une fois en relaxation, connecté à ma respiration, j'ouvre la porte donc de l'inconscient, je m'adresse à lui, je lui fais des vœux, hein, des demandes particulières, justement sur le bien dormir, par exemple, sereinement, avec un bon réveil le matin. Et je remercie mon inconscient à la fin et je vais dans le sommeil. Et si je ne vais pas tout de suite dans le sommeil, j'accueille le non-sommeil. Je ne me contracte pas.